L'entreprise minière Osisko Exploration a un grand projet pour la ville de Malartic, vous le savez. Elle veut y exploiter la plus grande mine à ciel ouvert en milieu urbain au Québec. Et si le projet est mené à terme, la fosse d'extraction aura une superficie de 135 hectares. Mais pour réaliser ce projet-là, et dans toute son ampleur, Osisko doit relocaliser près de 200 maisons, aussi 5 institutions, dont une école primaire et un centre d'hébergement pour personnes âgées. L'entreprise a entrepris il y a plus d'un an des négociations avec les propriétaires situés dans le périmètre de la fosse. Ils ont un choix à faire, vendre leur résidence à l'entreprise ou encore être relocalisés dans un tout nouveau quartier. Et à ce jour, 77 propriétaires ont fait le choix de vendre leur résidence à l'entreprise. On peut croire que les autres seront relocalisés, mais il y a 6 propriétaires qui, pour le moment, refusent de prendre quelque décision que ce soit. Certains d'entre eux disent même vouloir attendre la décision du ministre de l'Environnement pour aller, peut-être, jusqu'à l'expropriation. Alors, Sandra Ataman a rencontré quelques-uns de ces propriétaires qu'on appelle là-bas les irréductibles. Quand je suis arrivé dans le secteur, là, j'ai choisi la maison que j'ai présentement. Elle était en avant d'un parc. J'avais des enfants qui étaient jeunes, à proximité de l'église, tu sais, parce que mes convictions sont là. Puis, il y a ma mère qui est Alzheimer, là, qui souffre d'une maladie. Bon, elle était à Val-d'Or. Je l'ai fait transférer à la Villa Saint-Martin. C'est ma voisine. Je la vois de ma chambre. Tu sais, ma mère, là, c'est le fun, elle s'en souviendra pas. Moi, j'ai encore ma mémoire. Où est-ce qu'elle va être? Tout ça, là, ça m'empêche de dormir. Le quotidien de Bertrand Lessard est bouleversé depuis plusieurs mois. Sa résidence doit être relocalisée comme près de 200 autres à Malartic. Mais Bertrand Lessard refuse l'offre de Osisko Exploration. Votre maison vaut 119 000. Le prix d'une maison mobile à Sullivan. J'étais indigné, tu sais. J'ai 5 enfants, j'ai une maison qui a 6 chambres, tu sais. Puis là, j'ai dit, ben écoutez, je veux demeurer à Malartic. Je vais faire déménager ma maison. Donc, vous m'offrez un terrain. Premier, deuxième, troisième terrain qui m'offre, il était plus petit. On m'avait dit au début, aussi grand ou plus grand. Mais c'était plus petit. Ensuite, avec ma femme, on a commencé à regarder autour. Amos, Val-d'Or, Rouyn, Lamotte, tout ça. Je pourrais nommer toute la région. Pour me rendre compte que, même avec ma deuxième évaluation, je pouvais même pas me reloger dans une maison équivalente. Parce que les maisons comparables à la mienne, c'est rendu 250 000, 300 000, 325 000. Mais je suis content pour ceux qui font de l'argent ou qui sont contents. Mais moi, je peux pas accepter ça. Et on me dit, mais à votre âge, vous parlez de votre retraite, vous avez moins d'enfants à la maison, vous pourriez rapetisser votre maison, aller voir des maisons moins chères. Je dis, mon projet de vie, c'est comme votre projet minier. Est-ce que je vous dis de rapetisser votre fosse? Non. Alors, on commence à dire que j'étais un irréductible. Ça m'a frustré. Mon sang gaulois n'a fait qu'un tour. Bertrand Lessard n'est pas le seul à refuser les offres d'Osisko Exploration, mais ils ne sont pas nombreux. Osisko a déjà relocalisé une soixantaine de maisons et prévoit en déplacer près de 70 cette année. Annette Ayotte est contre l'idée de quitter son quartier. Moi, je ne veux pas être relocalisée. Il n'y en est absolument pas question. Sa décision s'est rapidement propagée dans la petite municipalité de 3500 habitants. Les gens qui se sont mis à ne plus me saluer, à m'ignorer. OK? Et puis, ça, j'ai trouvé ça extrêmement pénible. J'ai beaucoup eu de peine face à ça. Maintenant, je commence à m'auto-guérir, comme on dit, puis à me dire, bon, ben garde, t'as quand même une opinion. Ben cette opinion-là est importante, puis on va la garder jusqu'à la fin. Annette Ayotte s'inquiète pour l'environnement. Elle craint l'arrivée d'une mine à ciel ouvert au cœur de sa municipalité. Yves Sylvain aussi. Sa famille a fait le choix d'attendre. On va attendre la décision ministérielle avant de prendre une décision. Soit la relocalisation, l'expropriation, c'est parce que ça peut arriver, ou la vente. Pourquoi cette position? Parce que moi, je trouve que ça n'a aucun bon sens qu'on laisse une minière s'installer dans une ville, diviser des gens, hein, diviser pour mieux régner, de faire de négociations de gré à gré, de déménager des maisons, de briser des maisons. Ça, moi, ça m'inquiète beaucoup. Moi, quand j'ai choisi d'acheter cette maison-là ici à Malartic, on a choisi ce coin-là, on est bien là, on est heureux. Puis on vit tous des stress très difficiles. Tu sais, là, on vit d'énormes stress. Moi, des fois, là, ça me fait jongler la nuit de me dire à dormir. Là. Tout le monde essaie, on vit tout ça, là. Puis il y en a d'autres qui vivent ça. La situation est stressante dans le style que moi, tous ceux avec qui je parle, qui sont vraiment honnêtes, là, les couples que je connais, là, tout le monde s'est poigné. Tout le monde s'est chicané avec son conjoint ou ses enfants. Faut se mettre à notre place. Ça a créé vraiment de la dissension en ville. Il faut vraiment là, être solide puis tenir jusqu'au bout. Mais des fois, je vais vous dire, là, j'ai braillé souvent dans ma cave. Je vais vous dire. Puis j'ai failli tout lâcher. Puis je veux dire, ce que j'ai à dire aux gens, lâchez pas. Lâchez pas. On essaye de tout se tenir. On n'est plus beaucoup, mais on se tient quand même. C'est en 2005 que la corporation minière Osisko a entrepris ses activités de forage dans les limites de la ville de Malartic. Une année plus tard, elle amorce son plan de relocalisation. Le coût total est estimé à 100 millions de dollars. Le vice-président finance, Brian Coates. C'est certainement un défi de relocaliser une partie de la ville. Notre équipe franchise avec les gens dans le plus grand respect. On prend le temps de parler aux gens. On essaie de rendre cette étape-là la moins difficile possible. On sait que ces maisons-là, c'est la vie des gens, qui aussi, c'est pas juste des résidences qu'on relocalise, c'est des souvenirs que tous ont vécu là. Et on essaie de le faire dans la plus grande dignité, avec la plus grande compréhension, sans bousculer les gens. On espère recréer un nouveau quartier, donc il va avoir une fierté pour les résidents et pour la ville. On continue de discuter avec les gens. Notre porte est toujours ouverte. On transige avec ces gens-là, un à la fois, et on leur parle et on essaie de trouver un terrain d'entente pour minimiser l'impact sur eux. Osisko Exploration n'a pas encore reçu son permis d'exploitation. Le projet a déjà reçu l'appui des maires de la MRC de la Vallée de l'Or et des chambres de commerce de Val-d'Or et de Rouyn-Noranda. Et même s'il refuse les offres d'Osisko Exploration, Bertrand Lessard n'est pas contre l'idée qu'une minière s'installe à Malartic. Disons que ça a démoli un peu mon plan de vie. Puis là, je suis prêt à reconstruire mon avenir, mais je ne sais pas comment ça va aboutir. Là. On n'est pas des irréductibles, on est des gens dépossédés de leurs moyens. Voilà, c'était un reportage de Sandra Ataman, notre collègue journaliste à Val-d'Or.